Chapitre 3e. Le rocher, c'était le nom de la masure de M. de Carlepont, se trouvait à 4 ou 5 lieues de Mamers. Le pays était sauvage, accidenté, semé de bois et de vallons, peu de culture, maigre et mal entretenu, force lente d'entremêlés de prairies. Un rideau de collines fermait l'horizon, une rivière traversait le domaine. On pouvait battre la plaine et la forêt, sans se heurter contre les murs d'un parc. Quant à la maison, dont le duc avait fait une peinture assez pauvre, elle saisit M. de Bléré par son aspect agréable et son heureuse position. C'était un grand bâtiment de pierre et de briques, flanqué de 2 tourelles en poivrière. Assis sur le flanc d'un monticule au pied duquel passait un cours d'eau qui tombait en petites cascades ou s'élargissait en modestes bassins, il avait devant ses murailles les longues perspectives d'une vallée qui s'enfonçait dans un horizon lointain. Des bouquets de chênes, de hêtres et de noyers en ombrageaient les escarpements latéraux. Le ruisseau qui traversait la vallée dans toute son étendue se perdait dans un bois après 1000 détours. Aux 2 extrémités du château, des communs, terminés par des pavillons coquets, formaient entre eux une cour d'honneur à laquelle on parvenait par un pont jeté sur un seau de loup. Derrière les bâtiments s'étendait un jardin dont les derniers massifs se dispersait dans un paquage animé par le mouvement d'un grand troupeau de bœufs. Le tout ensemble avait une apparence honnête et souriante. C'était quelque chose qui rappelait ces demeures confortables où la gentry anglaise abrite des existences actives et saines. « Hé hé !» s'écria M. de Bléré. « Que me parliez-vous de masure ? On connaît des maisons qui prennent fièrement le titre de château et qui ne valent pas le rocher. » Si l'étonnement du breton avait été vif dès l'arrivée, ce fut bien autre chose quand il entra dans la maison. Les appartements étaient vastes et bien aérés, distribués commodément et rien n'y manquait de ce qui pouvait plaire à leurs hôtes. Partout des cheminées, partout des tapis. Les portes n'y montraient pas ce caractère récalcitrant qui s'exhale en plaintes discordantes lorsqu'une main indiscrète les tire du long repos ou les a tenues l'hiver. Elles jouaient complaisamment dans leur cadre. Les fenêtres non plus n'étaient ni rebelles ni revêches. Aucune trace d'humidité, de larges fauteuils devant les chenets, des lits amples, des rideaux épais. Les journaux et les brochures de la veille étaient sur les tables, de bons livres, bien reliés et point poudreux, dans les rayons, au râtelier des fusils. De grosses bûches flambaient joyeusement dans toutes les pièces où l'on devait s'installer. Le couvert était dressé dans une salle tournée vers le soleil. Un coup d'œil jeté furtivement du côté des cuisines par M. de Bléré, qui avait l'appétit solide, venait de lui prouver que la broche ne chômait pas. « Peste !» reprit le chasseur. « Le ramage de l'oiseau vaut son plumage. » Un vieil intendant qui le suivait partout, le chapeau à la main, souriait d'aise et saluait à chaque cri de surprise. M. Donatien avait été au service de feu Madame la Duchesse de Carlepont. C'était pour lui une affaire d'honneur de maintenir le château dans l'état où sa maîtresse l'avait laissé, avec les abonnements continués au même recueil, les oiseaux dans leurs volières, et les serres entretenues avec le même luxe, comme si la défunte châtelaine eût encore été là pour faire les honneurs du rocher. Monsieur de Carlepont, qui avait au fond de son être le sentiment des plus fines délicatesses, bien qu'il n'en fît pas étalage pour son propre compte, comme un homme qui, par indolence, ne tirerait qu'un maigre profit des récoltes entassées au fond de ses greniers, respectait ce souvenir pieux dans les quotidiennes et tendres manifestations dont Monsieur Donatien l'entourait. Au milieu des désordres de sa vie, et on sait qu'il usait de toutes choses largement, il n'avait pas ce défaut de certains prodigues qui comptent aussitôt qu'il s'agit d'autrui. M. Donatien avait le libre emploi des revenus de la terre et tout passait en améliorations successives dont l'honnête intendant avait surpris le secret dans les confidences de la duchesse. Le château parcouru dans tous ses coins, M. de Carlepont conduisit M. de Bléré dans son appartement particulier, et lui faisant voir les 3 pièces dont il se composait. « Vous serez ici comme chez vous, » dit-il. « Votre chambre n'est séparée de la mienne que par une galerie. Si vous avez envie de causer ou de me chercher querelle, cette galerie traversée, vous êtes chez moi. Si vous êtes en humeur de lire ou de méditer sur mes folies du temps passé, un tour de clé à cette porte, et vous serez dans cet appartement comme Hugolin dans sa tour. Il y a des chevaux à l'écurie, des chiens dans le chenil, des voitures sous la remise. On fait ce qu'on veut. On déjeune à 11 heures, on dîne à 7. On se couche et on se lève à l'heure qu'il plaît. Ah, vous m'appartenez pendant un mois. C'est un droit que je prélève sur votre liberté, le seul. Si vous tentiez de vous échapper, les gardes ont ordre de tirer sur vous. Merci, répondit M. de Bléré, en se mettant à la fenêtre pour examiner dans toute son étendue le paysage qui s'ouvrait devant le château. Le Breton entendit de petits cris aigus qui partaient de certaines prairies marécageuses et aplaties en longues zones vertes le long du ruisseau qu'il avait remarqué. « Bon, il y a de la bécassine. Les gardes n'auront nul besoin de m'assassiner, » reprit-il gaiement. Monsieur de Bléré était grand chasseur et grand marcheur. Il prit, dès le lendemain, un fusil au râtelier et dans le chenil un épagneul, dont les allures lui paraissaient engageantes, et il se mit à battre le pays. Monsieur de Carlepont n'avait pas goûté de la solitude depuis un certain nombre d'années. Il trouva d'abord quelque charme dans le grand silence qui l'entourait, mais les idées qu'il avait en quelque sorte chassées de Paris lui revinrent avec force à l'esprit. Il ne trouvait pas dans son passé un seul jour qu'il eût sagement employé. Des plaisirs sans fin, suivis de nouveaux plaisirs, en composaient la trame. Pour la première fois, il pensa avec étonnement qu'il n'était bon à rien. Il avait cependant des yeux, des mains et des bras, comme le laboureur qu'il apercevait dans la plaine et qui poussait devant lui une charrue, lentement traînée par une paire de bœufs. La journée achevée, un sillon était ouvert dans la terre forte et brune qui fumait sous les blessures fécondes du soc. En revanche, lui donnait-on quelque chose à lui qui avait un nom, un titre, une fortune, et quelle poussière n'avait-il pas soulevée dans sa course inutile à travers la vie? Le paysan prépare la terre que la semence devait enrichir. Le duc avait jeté bas des hommes vêtus de rouge et d'autres hommes coiffés d'un turban. Quelle œuvre était la meilleure, et quand la justice éternelle donnerait à chacun sa part, laquelle de ces deux existences, de la plus éclatante et de la plus humble, paraîtrait la plus légère dans la balance divine? La pensée du devoir se faisait tout à coup dans son âme. Il comprenait, avec une surprise naïve, que les chaînes qu'une sage prévoyance impose à l'homme sont un soulagement et une protection en même temps qu'un frein. À mesure qu'il creusait plus avant dans cette bonne nouvelle, bien des choses le paraissaient sur lesquelles il n'avait point encore réfléchi. L'affranchissement de tout travail n'est-il point une révolte contre une loi mystérieuse et sacrée qu'on ne méconnaît pas impunément? Elle a ses vengeances qui peuvent être tardives, mais qui sont cruelles et foudroyantes. L'ennui et la satiété pour les uns, une sorte d'avatardissement intellectuel pour les autres. Quelle créature humaine est assez forte pour supporter sans fléchir le poids de l'oisiveté? Il y a, dans le cœur des êtres faits à l'image de Dieu, les abîmes où les surprises des longs voyages, les amours et leurs tempêtes, les perpétuelles agitations et le torrent des plaisirs disparaissent, comme des grains de poussière et des gouttes d'eau précipitées dans un gouffre, et qui ne peuvent être comblés que par l'accomplissement d'un devoir. Ce n'est pas qu'il fallut être forcément notaire ou banquier, soldat ou législateur. Mais tout homme a, dans la mesure de son intelligence, des aptitudes qui peuvent être utilement employées. Par là, il se rehaussait, par là, il ne traversait pas la foule de ses semblables comme une épave, entraînée par les flots, les vastes solitudes de l'océan. Il n'était plus une abstraction, moins encore un parasite, et il rendait ce nom qu'il avait reçu. Or, la seule action méritoire dont M. de Carlepont eût jamais eu l'initiative lui avait été inspirée par le spectacle du sang. Ce n'était point assez. Malheureusement, tandis que sa conviction se formait, un nouveau problème le tourmentait et s'agitait devant cet être intérieur que toute créature qui pense porte en elle comme un juge et un témoin. La loi du travail, l'impérieuse nécessité du devoir admise, que faire? Ici, M. de Carlepont hésitait et chancelait. Il avait les préjugés ou, pour être plus juste, les éloignements instinctifs de sa race contre certaines fonctions qui ont l'argent pour cause et pour résultat. Cet appât du bénéfice qui séduit tant d'âmes répugnait à la sienne. Qu'eût-il fait d'ailleurs de l'or après lequel il voyait courir une foule animée d'insatiables appétits? N'en avait-il pas en plus grande quantité qu'il n'en pouvait consommer? Et n'était-ce pas plutôt l'usage imprudent et toujours facile de la fortune qui l'avait poussé dans cette route où il ne se sentait plus la force de marcher? Malheureusement, l'âge était passé où il pouvait embrasser la carrière des armes, où un si grand nombre de ses aïeux avaient trouvé la mort et, à défaut d'un trépas glorieux, la satisfaction de bien vivre et de bien faire. Qu'il regrettait alors ce mouvement d'impatience irraisonné qu'il avait un jour conduit à jeter son sabre. N'était-ce pas le même besoin d'agitation, le même amour d'une indépendance sans but, qui lui avait fait abandonner le chemin des ambassades, et cela pour suivre qui ou quoi? Un jour, l'écharpe d'une inconnue, le lendemain, la fumée d'une insurrection, plus tard, une voile emportée sur la mer par le vent. Fallait-il à présent courir en solliciteur du ministère en ministère et demander ce qu'il avait dédaigné dans un autre temps? Quel accueil lui réserverait-on? Quel sourire ne verrait-il pas? Ne lui parlerait-on point comme à un écolier capricieux qui se repent? Il pouvait sans doute diriger ses efforts du côté de l'administration ou de la politique. Et si de prime saut il n'atteignait pas une préfecture, s'adresser à une réunion d'électeurs pour en recevoir le mandat de député. Mais un sentiment honorable de pudeur l'arrêtait sur cette pente. Avait-il bien l'expérience et les qualités qu'on exige dans de telles situations? Quelle figure ferait-il à ses hauteurs? La bonne volonté suffira-t-elle quand il se trouverait aux prises avec les questions ardues qui se débattent dans certaines régions? Où était l'étude? Où était le travail? Était-il armé pour ces combats de la pensée? Monsieur de Carlepont avait trop de franchise dans l'esprit pour ne pas répondre hardiment non. Le cercle des occupations dévolues à l'activité humaine parcourut en imagination, une nouvelle incertitude s'emparait de lui. Le soir, il se couchait en soupirant. « Encore un jour bête qui n'est plus », se disait-il. Il éprouvait à certaines heures un sentiment de tristesse bizarre, en songeant au nombre d'années qu'il avait encore à vivre entre des chiens et des chevaux. Quant aux amis oubliés à Paris, il les avait en une particulière indifférence. Cependant, les jours se passaient. Tout en méditant, M. de Carlepont ne se faisait pas faute de battre le pays, tantôt à cheval, tantôt à pied. Il en était arrivé à envier le sort des propriétaires du voisinage qui se rendaient en ce moment à un comice agricole dont les assises se tenaient dans une ville du département. Ceux-là s'intéressaient à quelque chose. Ils croyaient à l'amélioration de la race porcine. D'autres fois, le duc pensait à fonder des prix de vertu, mais il y avait la crainte du ridicule. Qu'il l'eût vu passer droit sur la selle ou ferme sur ses jambes, l'œil étincelant, l'image de la santé sur le visage, souple, vigoureux, leste et fredonnant un air de danse, eût été surpris d'apprendre quelle sorte de réflexion tourmentait ce beau et riche jeune homme. Un matin, dans le voisinage d'un hameau, il aperçut sur le revers d'un fossé une famille de pauvres hères qui ajustaient de méchantes casseroles et des cuillères d'étain autour d'un maigre feu. Un âne broutait l'herbe rare et poudreuse. Un vieillard et un jeune homme, penchés sur le brasier, martelaient les ustensiles de métal et faisait fondre du plomb dans une poche de fer. Une femme hâve et couleur de bronze allaitait un enfant, assise au soleil sur une pierre. Quelques misérables linges séchaient accrochés aux branches d'un buisson. Les rameaux passaient par les trous. Une petite fille allait et venait sur le chemin, ses cheveux noirs dans les yeux, la robe déchiquetée sur les talons, pieds nus, la tête enveloppée d'un lambeau de foulard. Tout à coup, une femme, vêtue avec élégance et portant un livre à la main, vint à passer. Monsieur de Carlepont ne la voyait pas de face, mais le mouvement harmonieux de son corps le frappa. Il était passé maître en ces sortes de détails. La jeune femme qui l'observait s'arrêta et regarda le groupe des bohémiens. Plus prompte qu'un oiseau, la petite fit court vers elle et lui tendit la main. « Un petit sou, ma bonne dame, s'il vous plaît, » dit-elle. « D'où venez-vous? Qui êtes-vous ? » demanda l'inconnu d'une voix sonore et calme. « Nous sommes de pauvres gens qui travaillons pour vivre, » répondit l'enfant. « Et l'on gagne à grand-peine un morceau de pain, » poursuivit la mère dont le nourrisson se mit à pleurer. Le vieillard et le jeune homme continuaient à remuer leur ferraille. La jeune femme glissa la main dans sa poche et en sortit une bourse, puis se ravisant. « Attendez un peu, » dit-elle. Alors, tirant de son livre une feuille de papier, elle s'assit sur un pan de mousse, et se mit à crayonner le groupe qui campait sur la route. Sa main ne tremblait pas. Le crayon n'allait pas plus vite que si la personne qui le maniait eût été dans un salon, copiant un dessin. Monsieur de Carlepont fit trois pas de son côté. L'étrangère releva la tête, le regarda, abaissa les yeux lentement, et poursuivit son travail absolument comme si elle ne l'avait pas aperçu. Jamais le duc n'avait vu de visage plus tranquille et plus beau. Les lignes en étaient d'une grande pureté, les yeux larges, bien ouvert, d'un noir profond. L'étincelle était partie, puis s'était effacée. Aucune rougeur sur la joue, aucun pli sur les lèvres. Monsieur de Carlepont ne remua pas. Il était plus surpris que charmé. Le grand calme de cette physionomie voilée d'une ombre indéfinissable l'effrayait presque. Il sentait bien que l'immobilité affectée dans laquelle il se maintenait était voisine de l'impertinence. Mais une force singulière le clouait à sa place. La mère dodelinait son enfant, et la petite fille, qui tortillait des bouts de paille entre ses doigts, enveloppait l'inconnu d'un regard vif et curieux. Quand celle-ci eut terminé son dessin, elle le glissa dans un album qui tenait compagnie au livre, et se levant avec une grâce souple et nonchalante, elle vida sa bourse dans la main frêle et brune de la bohémienne. On aurait dit Junon quittant ses nuages. Sur ses traits de marbre, aucune émotion, sur sa bouche un peu grande, mais d'un contour ferme, point de sourire. L'enfant, tout étonné, ne pouvait détacher sa vue de sa main toute pleine de pièces blanches parmi lesquelles brillait un louis comme une étoile. Tout à coup, la fermant par un mouvement nerveux, elle se mit à courir du côté de la vieille, avec la vitesse d'un louveteau qui emporte une proie. Les marteaux des deux hommes ne frappaient plus le métal sonore. Monsieur de Carlepont se trouvait alors sur le passage de l'inconnu. Comme elle l'effleurait du pan de sa robe, il la salua. Elle inclina sa tête sans surprise et sans dédain, sans empressement non plus, et s'éloigna d'un pas égal. Bientôt elle disparaissait derrière un bouquet d'arbres. Ce jour-là, M. de Carlepont ne poussa pas sa promenade plus avant. Il retourna au rocher, pensant toujours à la rencontre qu'il venait de faire. Le sentier qu'il suivait longeait les marais dans lesquels M. de Bléré tiraillait contre les bécassines. Il prit le plus long pour ne pas être hélé par son ami. « Voilà une étrange personne, se disait-il. Qui diable sait ce qu'il y a dedans ?» Ce visage impassible, qui avait les tons chauds et la transparence de l'albâtre oriental, lui rappelait par certains côtés le mystère de ces figures impassibles que le ciseau des sculpteurs égyptiens a revêtues d'une impénétrable immobilité. Comme il traversait la cour du château, il rencontra M. Donatien. « Ça, lui dit-il, ce hameau qu'on voit là-bas, tout au fond de la vallée, il est donc habité. « Certainement, monsieur le duc. Il y a monsieur le maire, un bonhomme, quoique un peu tracassier, puis monsieur le curé, sans compter les notables et quelques douzaines de villageois qui peuplent la commune. Eh, ce n'est pas du tout de ce monde qu'il s'agit. J'ai rencontré une belle personne qui semble être du pays, tant elle hésitait peu, dans sa promenade à travers champs. Partout, je l'aurais remarqué, mais dans ce désert, elle m'a fait l'effet d'une apparition. » Monsieur Donatien sourit. « Monsieur le duc veut parler sans doute de mademoiselle de Montmeillan, » reprit-il. « Mademoiselle de Montmeillan, dites-vous. »« Oui, monsieur le duc. C'est une personne de condition qui habite avec sa famille le château de Bray, du côté de Beaumont. Elle court sur ses 25 ans. On ne sait pas pourquoi elle ne se marie pas. »« Elle ne se marie pas, monsieur de Lancien, parce que c'est une personne d'esprit. J'irai prochainement lui présenter mes devoirs. »« Allez, monsieur le duc, » répliqua le vieux bonhomme d'un air singulier. Il s'éloigna respectueusement. Ces quatre mots, prononcés d'une voix lente et réfléchie, en disaient plus qu'il n'était gros. M. de Carlepont n'ignorait pas que M. Donatien était au nombre de ces personnes avisées qui ne parlent point sans raison. Il interrogea à deux ou trois reprises et n'en put rien tirer. Il est vrai que le duc ne ramenait le nom de mademoiselle de Montmeillan dans la conversation qu'en passant, et comme si le hasard seul en eût été cause. Il était clair que M. de Carlepont ne voulait pas convenir de l'impression que cette personne lui avait laissée. Un matin, n'y tenant plus, et profitant de l'absence de M. de Bléré, qui était allé rendre visite à des étangs où la sauvagine fourmillait, il sauta sur un cheval et partit pour le château de Bray. Il fit la route paisiblement, sourit en passant sur la lisière du campement des bohémiens, qu'on reconnaissait encore à des brins de paille, et à quelques charbons épars sur le gazon tondu, prit un sentier que lui indiqua un jeune pâtre, poussa son cheval au galop, et se trouva, au bout d'une heure ou deux, devant un assez beau château planté tout au milieu des bois. Le silence qui régnait tout alentour de ce cercle immobile de grands arbres qu'aucun vent n'agitait lui rappelèrent le château de la Belle au bois dormant. L'édifice ne manquait ni de caractère ni d'étendue. Mais on y voyait un air de délabrement singulier qui attristait. L'herbe poussait entre les pavés des cours, un volet pendait sur ses gonds rouillés, la mousse rongeait les vases et les balustrades de pierre, les dalles du perron étaient çà et là ébréchées disjointes, un arbre abattu pourrissait dans un coin, les clôtures ne fermaient pas, une vache paissait bravement dans une plate-bande, la haie était ouverte en 20 endroits. « Hé hé, ce n'est pas le rocher !» pensa M. de Carlepont. En regardant autour de lui, il aperçut, couché à l'ombre, sur une botte de foin, un grand diable en livrée qui dormait les poings fermés, et à quelques pas plus loin, sur la façade du château, une corde qui s'attacha à une cloche suspendue à une tringle de fer. Le duc s'empara de la corde et la secouant. « Voyons, se dit-il, si la baguette d'un enchanteur a véritablement passé par ici. » Au bruit de la cloche agitée par une main vigoureuse, l'homme en livrée se dressa d'un bond, et M. de Carlepont, tirant une carte de sa poche, la lui remit. « Allez dire à vos maîtres, ajouta-t-il, qu'un de leurs voisins sollicite l'honneur de les saluer. » Le valet, qui se frottait les yeux, introduisit le duc dans une grande pièce à quatre fenêtres, ouvrant sur la cour, et les laissa seuls. Ce salon était garni d'un meuble d'acajou fabriqué sous l'Empire, ainsi que l'indiquaient les cols de cygne et les pieds de sphinx, dont les canapés et les fauteuils étaient armés. Le taffetas rouge à rosaces d'or qu'il recouvrait était tout usé et çà et là coupé. Des rideaux de la même étoffe, éraillés et ornés de glands par centaines, pendaient aux fenêtres. Sur la cheminée, une pendule d'un style roide, représentant une muse couronnant Pétrarque, dormait sous un globe de verre, entre deux vases de forme étrusque, dont la gueule évasée supportait depuis un grand nombre d'années un effrayant bouquet de fleurs artificielles. M. de Carlepont frissonna à la vue d'un formidable piano à queue qui occupait à lui seul tout un angle du salon. Il se rassura cependant en remarquant qu'un tapis bien tiré en protégeait les flancs. On n'apercevait d'ailleurs aucun cahier de musique auprès du piano. « Peut-être est-il toujours inoffensif, » pensa le duc. Il le salua en passant et s'approcha d'un guéridon lourd à pied droit qui arrondissait sa plaque de marbre au milieu de cette immense pièce et jeta un coup d'œil curieux sur les livres qui l'encombraient. Il y avait là, pêle-mêle, un volume de la Nouvelle Héloïse, un autre de la fameuse Mathilde, de Madame Cotin, Obermann, Berthère, Le Solitaire, de M. le Vicomte Arlincourt, quelques romans nouveaux dont la critique s'occupait en ce moment, et jetait tout au travers Le Génie du Christianisme, Childe Harold, et un bel exemplaire des Évangiles magnifiquement reliés en peau de chagrin noir. Un tome de Clarisse Harlow était ouvert à côté. « Hé hé !» fit le duc. « Il y a quelqu'un ici dont la tête est arrangée comme la chambre d'un garçon. » Une porte s'ouvrit, et il vit entrer une femme qui paraissait avoir 45 ans et répandait autour d'elle un léger parfum de poudre d'iris. « Monsieur le duc de Carlepont, sans doute ?» dit cette personne d'une voix douce et légèrement traînante. « Lui-même, madame, et je me reprochais de n'avoir pas eu plus tôt l'honneur de saluer madame la baronne de Montmeillan, » répondit le duc en s'inclinant. « Ah, monsieur, on vit dans un désert. » Madame de Montmeillan indiqua du geste un fauteuil à monsieur de Carlepont et s'assit. C'était une femme petite, un peu grasse, la taille pleine, blanche et rose, avec des cheveux cendrés, les yeux gris, une bouche mignonne et un joli menton à fossette. Elle portait une robe de mousseline à fleurs, trop jeune pour son âge. Le tissu transparent de l'étoffe laissait voir les chairs fraîches et veloutées de la poitrine et des épaules. Madame de Montmeillan avait les mains et les bras charmants, quoique un peu menacés déjà par l'embonpoint. Elle les faisait trop voir. Son attitude, sa taille, l'air de son visage ne manquaient pas d'une certaine élégance, mais cette élégance pouvait appartenir à tout le monde. Un peu d'afféterie la corrompait en outre. Un peu ronde, la baronne avait le tort de remuer sans cesse, ce qui, dans son fauteuil, lui donnait un air de parenté singulière avec une pomme roulant dans un panier. La baronne et le duc n'étaient pas là depuis 5 minutes ensemble, que M. de Carlepont savait que Madame de Montmeillan avait de l'esprit. Le malheur était qu'elle voulait en avoir plus qu'elle n'en pouvait montrer. Il ne doutait pas en outre qu'elle n'ouvrit souvent et au hasard les volumes qui chargeaient le guéridon. « Ainsi, monsieur, vous n'êtes pas mort, » dit-elle. « Cependant, le pays tue généralement au bout de 15 jours. »« Je lutte, madame, mais vous-même, ce me semble. »« Oh, moi, c'est fini depuis longtemps. »« Vous voyez devant vous un fantôme. »« Le triste, c'est que le trépas lui-même ne maigrit pas. »« Je me réfugie dans les souvenirs du passé, du temps que j'étais en vie. » »« Que faire ici ? » ?»« Des fermiers, des chasseurs, des conseillers municipaux ?» Un sous-préfet, beaucoup de propriétaires, pas un homme, que dis-je, pas une âme. Une main ferme poussa en ce moment une porte-fenêtre, et la personne que M. de Carlepont avait surprise avec les bohémiens parut dans le salon. « Ma fille, » dit Madame de Montmeillan,